Você é o brilho de uma estrela no azul desse sentimento. Então vem, me abraça forte, se entregue a esse momento. Já nem conto mais as vezes que te pego olhando assim. Já não durmo mais pensando que também pensa em mim. Minha boca está mandando te dizer que deseja ardentemente um beijo seu. Vê se não perde tempo, que o seu desejo é tão forte quanto o meu. Eu sei, eu sinto através do seu olhar. O nosso amor tá pra nascer, eu sei. Na verdade, acabou de começar. Ah, eu sei, só me falta coragem pra falar. É uma questão de tempo agora, eu sei. Um grande amor está no nosso olhar. Eu sei, eu sinto através do seu olhar. O nosso amor tá pra nascer, eu sei. Na verdade, acabou de começar. Não está certo, foi errado. Quem de nós vai querer assumir se é pecado? Um dia talvez queiras dizer: eu já sabia, tu negavas. O que fiz não sei por merecer. Eu já não quero, fui magoado. Não preciso mais sofrer. Foram tantas as mentiras que eu não consigo esquecer. Enquanto julgavas sempre tudo, eu vivia só para ti. Hoje vai ser o meu dia de, acho bem melhor parar aqui. Não vou mais sentir ciúme que me deixou tão preso a ti. Fez-me esquecer de mim. Vou lembrar do teu perfume que me enlouqueceu assim. Hoje digo, não dói nada. Tudo o que fizeste eu perdoei. Serei feliz à minha maneira, do jeito que me lembro quando te amei. Não me interessa se tens alguém ou talvez não. Eu sigo vendo-te no meu caminho. Agora vou cuidar deste coração. Já não quero, fui magoado. Não preciso mais sofrer. Foram tantas, tantas as mentiras que eu não consigo esquecer. Enquanto julgavas sempre tudo, eu vivia só para ti. Hoje vai ser o meu dia até. Acho bem melhor parar aqui. Não vou mais sentir ciúme que me deixou tão preso a ti. Oh, teu perfume que me foi ciúme. Ciúme. Já não dói nada. C'est du soleil, soleil, plein les oreilles, plein les oreilles, plein les oreilles. Dis-moi que t'es louque, soin d'amoureuse, teu amor. Porque nunca esqueço e adormeço neste fervor. Dis-moi só que esta chamada na cama do nosso amor. Os dois abraçados. Vivemos enamorados. Diz-me, diz-me ao ouvir. Coração frio, meu calor. Diz-me. olhos nem enlouquecem e os meus de ti nunca se esquecem. E os dois de mão dada juntos na estrada, passo a passo. Se eu em ti me laço, tu segues o que eu faço. Diz-me, diz-me ao ouvir, coração ferido, meu calor. Diz-me, diz a verdade, que tens saudade do nosso amor. Voltei-me a apaixonar, voltei de novo a amar. essa cara de arreliada, que eu não fico bem assim. Mete na tua cabeça que eu só te quero a ti. Não te vou dizer mais nada, só tenho olhos para ti. E agora vem dançar comigo, que isso vai passar. E agora vem, vem, vem. E agora vem colar a mim. Eu quero te beijar. Não vou. Alguém no meu caminho, quando me entrego à paixão. paixão, quem sofre é o meu coração. Anda perdido e precisa de carinho. Só quero ser feliz, já lutei, não sei mais o que fazer. Meu Deus, mas porquê que esta vida castiga o meu ser? Quem nasceu para sofrer nunca pode ser feliz. Quem nasceu para perder nunca mais pode sorrir. Meu destino é viver numa solidão sem fim. Quem nasceu para sofrer nunca para de chorar. Quem nasceu para perder nunca mais pode sonhar. Meu destino é viver sem ninguém para me amar. Quem nasceu para sofrer nunca pode ser feliz. Quem nasceu para perder nunca mais pode sorrir. Meu destino é viver numa solidão sem fim. Quem nasceu para sofrer nunca para de chorar. Quem nasceu para perder nunca mais pode sonhar. Meu destino é viver sem ninguém para me amar. Deixe para sofrer. Deixe na batida até saudades do seu lar. No coração traz a mulher que ama e que sempre amará. Aquela cara bonita e aquele corpo divino que eu nunca esquecerá. Eu sei, essa linda portuguesa com quem eu quero casar. Das mulheres que Deus pôde criar. Ai, é saudade, que esperança de um dia voltar para te abraçar. Eu sei, essa linda portuguesa com quem eu quero casar. Põe a mão cabecinha, agora na cinturinha. Põe a mão, olha para mim. Vai em cima, vai abaixo, vai em cima, vai abaixo. Quero ouvir toda a gente a cantar esta moda que eu inventei. O swing, o folclore, até o forró me juntei. Dança, dança, minha gente, dança, dança, quero ver. Quem está triste fica contente, quem não sabe vai aprender. Põe a mão na cabecinha, agora na cinturinha. Põe a mão, olha para mim. Vai acima, vai abaixo, vai acima, vai abaixo. Põe a mão na cabecinha, agora na cinturinha. Põe a mão, olha para mim. Vai acima, vai abaixo, vai acima, vai abaixo. Bonjour, bonjour, bonne année, meilleurs vœux. Bonjour Lionel. Bonjour Jérôme. Bonjour chers auditeurs et auditrices. Tous les vœux de santé, de bonheur, de joie, d'amour, d'argent, de travail, de tous les meilleurs vœux. Hein, de surtout de santé. En ce moment, on est un peu restreint avec ce virus. On s'en sort pas, mais on touche du bois. Ça se passe bien de mon côté, en tout cas. Le troisième vaccin, déjà, non? Certainement. Déjà, bah oui. On y passe tous, hein. C'est ça. Bonjour, Manu. Je sais pas si vous allez dire bonjour ou pas, mais je le force. Ouais. Bonjour, Jérôme. Meilleurs vœux. Bonne année. Bonne santé. Bonheur. C'est tout ça. Tout ce qui va avec. Et essayons d'oublier un petit peu ce virus. Ouais, c'est ça. Ouais. Moi, je l'ai oublié. Je fais comme s'il n'existait pas. C'est ce qu'il faut. Ouais. Aujourd'hui, on l'a mis à la poubelle, on va dire. Hein. Pour aujourd'hui, pendant l'émission, on va l'oublier tout en gardant les règles de. De distanciation. Voilà, tout à fait. Ah, il y a 3 mètres qui séparent Manu. Ah, oui, bien. On va aller chercher le mec, mais je crois qu'il y a ça. Bon, alors, comment ça s'est passé, les fêtes? Ça a été? Bah, écoute, pour moi, ça a été le truc normal. Hein. Vraiment, cette année, c'est. Je pense que ça fait déjà 2 ans, quand même, que le virus est installé. Ouais. Et je pense qu'on commence à s'y habituer à ça, quand même. D'accord. S'habituer quoi, au virus? Il nous a un petit peu gâché déjà. Ça fait 2 ans qu'il nous gâche pas mal de choses. Et il nous gâche aussi les fêtes de fin d'année. Il faut le dire ce qui est vrai, quoi. Avec tout ce qui, c'est toujours en fin d'année qu'il y a les pics qui montent. Donc, on a tous un petit peu peur. Donc, on fait très attention. Donc, moi, pour mon côté, ça a été vraiment réduit à la petite famille principale, c'est tout, quoi. Voilà. D'accord. Ouais, non, ça gâche pas. Moi, je pense que aussi beaucoup de gens, quand tu parles. T'as pas dansé? Non, pas du tout. Déjà, quand t'es normal, je danse pas. Alors, il a dansé avec sa femme, certainement. Oui, voilà. Oui, le jour, la veille de l'an, t'as fait ça en solo, tous les deux. Ouais. Face à face, avec la petite bougie. C'était presque ça, quoi. Lumière tamisée. Non, pas ce point-là, quand même. On revient à l'essentiel. Oui. Ça nous fait revenir à l'essentiel. Voilà. Et on a quelqu'un? On a Christine, madame la présidente, qui est venue nous rejoindre. Quelle surprise! Bonjour, bonne année, meilleurs vœux, bonne santé, joie, bonne humeur, tout. Bonjour, bonne année. Bonne année à vous tous, bonne année à nos auditeurs. Et merci de ce moment convivial entre nous. Oui, ça fait du bien de se retrouver, c'est vrai. Merci. Bah, écoute. Et t'es là pour une raison spéciale, hein? Oui. Vous souhaitez la bonne année à vous déjà, chers collègues. Ah, moi, je croyais que c'est parce que tu avais emmené les petits croissants, le café. Ça peut. Mais mes nouvelles résolutions sont de perdre quelques kilos, donc je vous offre rien du tout parce que moi-même, je veux pas commencer l'année différemment. Donc non. Non, t'es pas obligé d'en manger. Hein. Mais c'est que... J'ai pas de résolution pour cette année, moi. Ah, moi, j'en ai pas. À l'habitude, ceux qui viennent le dimanche matin, c'est le. Ah, mais tu sais pas ce qui est sur la table déjà. Hein. C'est ça. Ah, là, tu t'es fait. En tout cas, on est là pendant jusqu'à 12h30. Je crois que toute l'équipe va rester. Hein. Ben, je sais pas. Moi, c'est sûr que oui, mais après. On va faire l'émission avec toi, si tu veux. On va les garder, en tout cas. Ça va être la bonne ambiance sur Radio Arc-en-Ciel jusqu'à 2h30. Et les auditeurs, ils peuvent quand même appeler. Ah, ben, bien sûr, vous pouvez appeler. Ça change rien à l'émission du matin. Souhaitez vos meilleurs vœux, posez toutes vos questions. T'as fait un vœu? Christine ? J'en ai fait. J'espère. Ah non, je te le dis pas parce que sinon ça se concrétise pas. Et puis j'en ai trois et les trois, je voudrais qu'ils se concrétisent. Ah, trois vœux. Mais non, mais t'es gourmande. Hein. C'est oui, un tout vœu. Tout à fait. Mais moi, je suis toujours gourmande. Alors tu peux dire le deuxième et le troisième parce que tu es sûr que de toute façon, faut toujours demander plus pour avoir au moins un. Voilà, pour que ça se réduise et que ça se concrétise. Et t'as avalé espace, jours. Contei as passas, sim senhora. Sabias contar. E de maneira a que, sobretudo, o que eu pedi que se realize. D'accord. T'es bon, encore si sobre à minuit? T'as avalé Non, j'ai rien avalé. Non, mais bon, revenons-en vraiment à notre. Voilà pourquoi on est là. Donc, c'était pour donner nos voeux. C'est la voix du sage. Hein. La voix de la sagesse. Nos éditeurs, tout ça. Pour tous les gens qui se retrouvent justement en cette période de fête, beaucoup de gens qui sont malheureusement à l'hôpital, qui sont loin de leur famille. Donc nous, ce qu'on veut, c'est leur donner tous nos voeux de bonheur et puis que 2022 soit une année meilleure que celle qui est passée. Tout au moins qu'elle ne soit pas pire, c'est ce qu'on demande. Voilà. Donc en tout cas, moi, c'est tous mes voeux pour tout le monde. Je crois qu'on se met tous dans le même lot. Bien sûr, et puis une année pleine de surprises, parce que c'est ça aussi qui rythme un peu nos vies, c'est les surprises, c'est quand on s'y attend pas. Et voilà, et on espère qu'avec Radio Arc-en-Ciel, on aura plein de surprises en 2022. On s'est tellement habitué à plus rien. C'est ce que je disais tout à l'heure, tu vois, le virus quand même. On s'est habitué, on a pris ses habitudes et sans d'avoir plus de projection, c'est-à-dire qu'on se projette plus parce que on vit un peu au jour le jour, hein, tous nous tous au quotidien. Donc forcément, 2022 va être pleine de surprises. Moi, je trouve que justement, cette pandémie n'a pas apporté que du mauvais. Oui, ça a apporté quelques mauvaises choses dans nos vies, la maladie notamment. Mais en même temps, ça nous a rapprochés peut-être des nôtres et avoir le temps de passer du temps dans nos familles, avec nos amis, passer du temps autrement. Notamment, mon nouvel an, mes fêtes de fin d'année, c'était un rétro dans les années 60, 70, 80, avec nos enfants, avec la famille. Et il y a une question à un moment qui s'est posée. Ah, mais vous saviez faire tout ça. Ah, mais à votre époque. Eh oui, à notre époque, on a vécu avec des choses très simples. Et c'est ça qu'on aimerait bien faire comprendre aux plus jeunes. Dans les années 50. Oui, bien sûr, mais bien sûr. Elle est trop jeune, notre président. Je suis jeune quand même. Hein. Elle est pas trop jeune quand même. Et donc, je disais que les choses les plus simples de la vie, ce sont les plus belles. Et justement, peut-être qu'on a été trop loin dans certaines choses. Dans les années 50, t'étais pas née, c'est pas possible. Si, j'étais. Non, t'étais encore loin. Non, mais en tout cas, c'est vrai qu'on vous souhaite plein de bonnes choses et que ce 2022 soit une très bonne année. En tout cas, on a un peu de musique pour nos auditeurs, hein, et ils peuvent appeler au 02 38 43 48 00. Boa música, bom ambiente, na Rádio Arco-Íris no 96.2 e temos uma pessoa em linha. Alô? Alô, alô? Alô? Ah, foi abaixo. Foi abaixo. Bom, on demande à la personne qui rappelle. Que eu vou Allô, allô. Allô. Oui, bonjour. Bonjour. Avec qui avons-nous l'honneur de parler? Alors, à Laura. Laura, bonjour Laura. Comment allez-vous? Ça va très bien, et vous? Très bien, l'année commence bien? Très bien, oui. Bon. En famille, c'est plus important. Parfait, parfait. Alors, une dédicace, Laura, c'est ça? Oui. Alors, c'est pour qui? Alors, c'était de la part de Leandro pour faire un gros bisou et souhaiter un bon dimanche à ses grands-parents et à son tonton. D'accord. Qui s'appelle comment, son tonton et ses grands-parents, comment ils s'appellent? Alors, tous les grands-parents, donc mamie Elisabeth, mamie Maria, mamie José, mamie Antero et pépé José. D'accord. Et tonton Gégé. Ok. Voilà. Et souhaiter une belle année à toute l'équipe de Radio Arc-en-Ciel. Eh ben merci beaucoup. Merci de cette fidélité et de continuer à écouter Radio Arc-en-Ciel. Merci. Bon dimanche à vous. Merci. Au revoir. Bon dimanche. Meilleurs vœux. Au revoir. Eh oui, si vous voulez faire comme Laura. Laura, j'ai noté la petite hésitation là. Voilà, j'avais zappé. Faites comme Laura, 02 38 43 48 00. C'est d'autant plus sympathique hein, de d'échanger avec vous en direct sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. Faut pas avoir honte, hein. Personne va vous manger. Même Christine, elle mange pas. Allô, allô. Oui, bonjour, c'est pour faire une dédicace. Eh, bonjour. Alors, moi, je te reconnais parce que tu es un fidèle auditeur. Tu nous appelles tous les dimanches, peut-être pendant la semaine aussi, je ne sais pas. Mais tout à fait, tout le temps. Mais en tout cas, tous les dimanches. Bonjour, Jérôme. Bonjour, Jérôme, ça va? Bah, écoute, ça va très bien. Alors, et toi, comment vas-tu? C'est de la part de Jérôme. Oui. Pour ma maman. Oui. Et pour toi, Jérôme, sans oublier l'équipe de la Radio Arc-en-Ciel. Eh ben merci. Merci de ta fidélité. Merci d'appeler tous les dimanches. Oui. Et puis, ben, on te souhaite surtout tous les meilleurs vœux et une meilleure année. Eh ben, une belle année. Merci beaucoup, Jérôme. Qu'est-ce que tu... Je vais passer mes idées de Tony Carreira, Lisboa. Lisboa et Tony Carreira. On la passera un peu plus tard, d'accord? D'accord, ça marche. Merci. Pas de souci. Bon dimanche. Au revoir. Au revoir. Lionel, il tire la tronche. Non, c'est que c'est pas possible. Ah, ok, d'accord. On l'a pas. Toutes les nouveautés de Tony Carreira, c'est pas. Elles sont bloquées. Elles sont bloquées pour l'instant. Ok. Deixa de ter, deixa de estar. Só um pouquinho, outro modo vai entrar. Deixa de ter, deixa de estar. Ai, ai, ai, a temperatura aqui nos estúdios também está bem forte, porque está aqui uma equipa ao completo. Olá, olá. Olá? Olá. Ah, acho que havia quelqu'un au téléphone. A temperatura sobe aqui nos estúdios, porque está aqui toda uma equipa aqui hoje para responder ao telefone. É uma emissão muito especial para desejarmos os votos de saúde, de paz, de amor a todos os nossos ouvintes, não é? E especialmente uns votos a quem? A todas aquelas pessoas que ajudam a rádio, não é? Principalmente, também. Também é importante tanto os ouvintes como aqueles benévolos que nós vemos uma vez por ano e que é muitíssimo importante que eles estejam ao nosso lado. E c'est vrai que ça manque ne pas les voir, hein? No bal e tout ça, no parti de bons moments tous ensemble, et puis je les vois juste une, deux ou trois fois dans l'année, c'est peu, donc on attend que ça, de se retrouver tous. Tu veux les voir travailler, en fait. Du tout. Parce que ceux, ils travaillent, moi je travaille aussi. Donc, je ne reste pas les mains dans les poches. Non, mais c'est vrai que ça manque les bénévoles qu'on était habitués à avoir 3-4 fois dans l'année, même plus hein, pour certains. Et là, depuis 2 ans... On a eu de la chance parce qu'on a fait quand même une soirée, en novembre, on a réussi à le faire. Ça a été une réussite aussi. Mais c'est vrai que si on regarde bien, on était plus habitués à plus que ça, quoi. Nos bénévoles, d'ailleurs, on les a pas oubliés, hein. Faut bien, c'est pas parce que on se voit pas pendant ces événements-là. Nós queremos fazer a festa, não é? Quer dizer, fazer a festa, exatamente. On nous a habitués à ça, donc maintenant, voilà, qu'on est à goûter, on a envie de continuer. Mais je suis sûr que 2022, il faut vivre avec. 2022, ouais. On va se lancer, ça va être parti. Il faut oser. Je pense qu'il faut oser aussi. Et que nos habitudes ont un peu changé. Et qu'il faut revenir à nos anciennes habitudes. Et qu'il faut arrêter d'avoir peur. Voilà. Ah bah, oui, parce qu'il est plus contagieux, ce virus, mais il y a quand même moins de risques, apparemment. Oui, mais on nous a appris à nous protéger. Donc, on se protège, on sort. Il y a un truc tout bête, c'est que maintenant on ne se fait même plus la bise, on se serre plus la main, on a peur des gens. Mais tu verras que quand il y aura plus de virus, on va plus faire la bise, on va être plus habitué. Enfin, c'est un côté rassurant, parce que souvent. Rassurant. Moi, je n'aime pas bien comment on va. Non, oui, moi aussi, mais pas certaines personnes. Faire la bise, c'est agréable, je trouve. Faire la bise à certains, oui, mais il y en a d'autres que tu n'aimes pas. Donc là, dans ces moments-là, tu étais obligé de leur faire la bise, et ben moi, je suis pas d'accord. À qui des noms, des noms. Dans le groupe, c'est qui tu mets mes collègues, je les aime bien. tous les petits vieux d'un côté, tous les petits jeunes dans la poche. Ah, c'est ça. Non, c'est pas que ça. Non, mais c'est peut-être une habitude qui va rester maintenant. Non, mais on a peur des autres maintenant. On commence à avoir peur des autres et on a peur de se financer, mais finalement de se coller alors qu'avant. Moi, mon cas, moi, j'avoue, j'ai pas peur d'attraper. J'ai peur, c'est de le donner à une personne fragile. Ouais, contaminer quelqu'un qui ne supporterait pas parce qu'elle a des antécédents. Mais maintenant, tu es une personne fragile, non? On réglera nos comptes tout à l'heure. Depuis cette semaine, Depuis. Bon, mais les gens, ils n'ont pas compris pourquoi on dit ça. Attention, c'est pas que je suis malade, hein, ce qu'il vient de dire là. Non, du tout, c'est qu'il passe un cap dans sa vie très important. Ouais, mais c'est personnel, c'est privé. Il va être plus disponible. Voilà. Oui, en fin de compte, ce que mes collègues veulent dire, c'est qu'à partir, depuis hier, je suis un jeune retraité. Voilà. Et qui va donner du temps à la radio. Oui. Ça, c'est important, ça. Donc, voilà. Non, retraité, ça veut dire j'en profite. Je vais peut-être arrêter tout ça maintenant. Prendre de temps pour mais moi. Mais ça va pas bien, non? Bah, c'est ça, la retraite, c'est fait pour moi, je t'attends de pied ferme. Hein. Oui. Comme ça, moi, je lève un peu le pied. La retraite, elle est faite pour quoi? Pour profiter, faire tout ce qu'on n'a pas pu faire avant. Et pouvoir aider ceux qui travaillent. Oui. Je les ai déjà pas mal aidés, hein. Mais on dit que quand on est à la retraite, on travaille encore plus, c'est vrai, ça. C'est vrai aussi. Non, mais on va vous plaindre. On s'est déjà occupé de moi pour des. T'as déjà une liste? Il y a déjà une liste qui a été faite par certaines personnes. Elle est accrochée au frigo? Non, pas. Je préfère pas la voir. En tout cas, tu vas faire la fête. Il ferait bien la fête avec. On y va, on reviendra. Ensemble, hein. On reviendra après au blablabla. Hein. Il y a encore du monde derrière le carreau, hein. Il faut qu'il se rapproche là. Festa. Queremos festa para 2022, não é? Então, já agora, qual foi o que mais vos marcou em 2021? Ui! Agora vou eu a fazer aqui um... Qual é que nos marcou? O que é que vos marcou mais em 2021? Em festa? Não, em 2021, o que é? Qual foi o... Ah, um... virus, c'est ce qui nous a tous marqué. On va l'oublier, ce virus. Ah, 2021, qu'est-ce qu'il y a eu? Qu'est-ce qu'on a... On a pu faire un bal... Oui, le voilà. Bal de la radio qui était vraiment extra, et de se retrouver tous, voilà, la preuve que c'est possible de se retrouver avec des mesures qu'on n'accepte pas vraiment, mais effectivement, c'était ce bal. Pour la radio, c'était ce bal. En perso, beaucoup de choses. Mais sinon, oui, pour la radio, oui, c'était ce bal, c'était un objectif à atteindre, qu'on a atteint l'objectif qu'on souhaitait, et puis que... Le fait de pouvoir arriver à réorganiser un bal et de mettre tout ça en œuvre avec voilà, toutes ces restrictions, mais on a réussi à faire ce bal. Pour moi, c'était ça. C'est vrai, faisait plus d'un an et demi qu'il n'y avait pas eu d'événement avec Radio Arc-en-Ciel. Et pouvoir avoir pu faire ce bal, ça a été quelque chose d'important pour nous, quoi. Et puis, on a pu quand même diffuser de la musique toute l'année à nos auditeurs. Mm-hmm. Bon, c'était... Oui, voilà, la radio, elle a continué quand même à tourner. Hein, parce que, voilà, malgré tout ça, la radio, elle a continué. Il y a eu des gens qui étaient là pour continuer à faire tourner la radio, faire diffuser justement des musiques pour les gens, les auditeurs qui nous écoutent. Quoi. Ça aussi, c'était important. On ne l'a jamais fermé, la radio. À savoir qu'il y a eu certaines radios, je crois, à l'époque, pendant le Covid, qui ont fermé. Hein. Il y a eu quelques radios que... Oui, voilà, les radios associatives, effectivement, ont souffert un petit peu. Sûr. Mais comment nous on a pu, parce que voilà, on a aussi fait en sorte que certains animateurs puissent être présents. Et lorsque les animateurs n'étaient pas présents, nous avons cette opportunité d'avoir RDP International qui prend la relève, mais en même temps, après, tous les automatismes et autres qu'on a pu mettre en place. Très bien. Et nous avons un autre membre du conseil d'administration qui vient d'arriver, qui souhaite aussi Il est caché derrière le poteau, mais il est là, hein, je vous garantis qu'il est là. On va ouvrir le micro. Hein. On va ouvrir le micro et on va pouvoir entendre ses voeux. Il n'a pas de casque. Il n'a pas de casque. Moi, je vais lui donner le mien. S'il y en a. Alors, c'est notre ami Alberto hein, qui est là et qui est venu nous dire aussi, donner tous ses voeux pour 2022. Attends, on fait la partie technique en même temps. Il faut meubler entre temps. Alors, entre temps, sachez que vous pouvez toujours adhérer à Radio Arc-en-Ciel et que 2022, c'est l'année de tous le lancement, le renouveau. Il y a un nouveau site internet qui vient d'être lancé par Radio Arc-en-Ciel. Vous pouvez aller découvrir radio-arc-en-ciel.com. Allez découvrir ce nouveau site où vous allez voir de nouvelles images, la tête, nos têtes, à quoi ressemble. De tous les animateurs. À quoi ressemble, parce que parfois, il y a des voix et on se dit, tiens, il y a quoi derrière cette voix? Eh ben, vous pourrez voir nos têtes, la tête de tous les animateurs. Et puis, bien sûr, vous pouvez également adhérer à Radio Arc-en-Ciel. Parce que, avant tout, Radio Arc-en-Ciel, c'est quoi? C'est une association. Une association. L'association s'appelle IETA, hein, que beaucoup d'entre vous le savent. Et que, sans cette association, la radio ne peut pas exister. Donc, c'est pour ça qu'il faut adhérer. C'est une manière aussi de contribuer à faire en sorte que cette association ait plus de poids, parce que financièrement c'est pas ce qui va nous apporter, hein. La cotisation elle est de 20 euros par an, c'est pas ça qui fait fonctionner Radio Arc-en-Ciel, hein. Plusieurs 20 euros font que mais le signe plus distinctif de tout ça, c'est pas forcément la cotisation financière, c'est plus le soutien moral et le soutien que vous faites, parce que demain, face à des organismes comme l'État, enfin toutes ces organismes public, hein, au Portugal ou en France, une association qui a 150 adhérents ou qui en a 600, eh ben, n'a pas le même poids. Et donc, si demain on pouvait être 1000 ou 2000 ou 5000, on aurait un autre poids qu'on n'a pas peut-être aujourd'hui. Donc, soutenir Radio Arc-en-Ciel, ça peut vous paraître comme ça un peu accessoire. Et souvent vous dites bah oui je vais le faire et puis finalement je le ferai demain et puis finalement on le fait pas. Ouais, 20 euros c'est quoi en fin de compte, 20 euros par an? C'est 1,50€, 1,70€ par mois. Ouais, ça correspond à ça. C'est pas grand chose. Et pour nous d'avoir un soutien physique de personnes, eh ben c'est très important. Voilà. Il y en a qu'avec 20 euros ils seraient déjà heureux. Malheureusement, hein, 20 euros il y en a. Oui, ça représente beaucoup. Ça représente beaucoup, bien sûr. Mais voilà. Ceux qui peuvent éventuellement. Mais je pense quand même que voilà, ici sur Orléans, alors bien sûr c'est ouvert à tout le monde, je parlais pour les Portugais, mais il n'y a pas que les Portugais, mais quand même dans la région du Loiret, il y a beaucoup de Portugais quand même. Et donc faire un petit geste comme ça, voilà, devenir adhérent. Sur le site internet, il y a la possibilité effectivement de vous inscrire, de nous laisser un mail et par la suite, on va pouvoir mettre en place, d'ailleurs sur le mois de janvier, on va mettre en place la possibilité que vous puissiez payer votre cotisation à travers le site internet. Et Alberto, un petit mot à vous dire. Ça y est. Il attend depuis tout à l'heure. Il est équipé. Allô, monsieur Alberto. Hola, Leonel. Bem-vindo. Obrigado e bom dia a todos os colegas do Conselho e ouvintes também. E certamente também tens a deixar os votos aos nossos ouvintes, não é? É, eu vou fazer simples assim. Vou dizer um bom ano a todos os membros do Conselho, a todos os animadores e a todos os ouvintes em geral. Muito obrigado. Muito obrigado. Os votos de bom ano também aqui de nós todos. Obrigado. Claro que... Voilà. J'en profite aussi pour... parce qu'il m'a envoyé un message, hein. Abilio nous fait tous un petit coucou. Ah, bah coucou Abilio. Voilà. On lui souhaite une bonne année. Bonne année, voilà. Bonne année à Abilio et Maria, n'oublions pas les dames. Hein. Tout à fait. Et voilà, et que l'année commence bien pour eux. Et on donne tous les vœux aussi à nos sponsors, hein. Ils sont importants pour nous. Et ceux qui ne sont pas sponsors et qui veulent devenir sponsors, ils peuvent à travers le site, non? Tout à fait. Et d'ailleurs, vous en parlez mieux que moi, allez-y. Bah, on va mettre un petit peu de musique, et puis, parce que si on papote longtemps, les gens décrochent. Donc, on met un peu de musique. Tu les saoules. Mais non, ils vous aiment bien, nos auditeurs. Oui. Hein. On continue en musique, on reviendra, on va expliquer comment ils peuvent faire. Não vão parar de cruzar o mundo. Não, os homens são majoritários aqui hoje, não é? Exatamente. O passe para entrar. C'est vrai qu'aujourd'hui on a décidé de contrôler tout le monde avec un passe sanitaire obligatoire pour entrer dans la radio. On a une squatteuse. Bonjour, bonjour. Hola, bon dia. La voix du sage. É a voz assim um bocadinho mais calma e com juízo. A voz de que vem de acordar. Olha, não estás assim muito longe. Ai, mas não digas isso, ninguém vê, não digas isso. Alors, c'est moi, je vois. Non, elle est sage, tu sais pourquoi? Parce qu'en face, il y a du respect. Il y a l'homme en face. Merci de ta visite. C'est avec plaisir. Je sais que c'est moi que tu venais voir. Bah, tu sais bien, t'es la star. Voyons, puis on va continuer comme ça, ce serait dommage. Comment tu vas? Je vais bien. Enfin, du moins, maintenant, je vais bien et je suis contente de retrouver la radio, d'ailleurs. Au mois de janvier, on commence bien. D'ailleurs, bien. Je profite pour souhaiter une bonne année à tout le monde. Merci. Tout le monde, sans exception. Meilleurs vœux à toi aussi. Ouais. Santé, de bonheur, d'amour, de richesse, de vacances, de fêtes. Vacances, fêtes, à manger, à boire, avec la santé, un petit peu d'argent. Voilà, je crois que j'ai tout résumé. Beaucoup de folie. Et puis reprendre aussi mon émission. Allez, un petit peu de pub. Mais vas-y. Reprendre mon émission, parce que c'est vrai que j'avais fait une petite pause pour des raisons de santé, donc je reprendrai jeudi, pause musicale con Sylvia. Ok. Ah, donc c'est Sylvia qui est à l'antenne, hein, parce qu'elle ne s'était pas présentée. Pois, non, et o Jérôme pensava que toda a gente já sabe quem eu sou, tal como ele quando passa na rádio, que toda a gente já conhece a voz dele, tal como a tua, Lionel. Claro, que toda a gente sabe. Quem é que não sabia? Moi, je voulais faire un test. Je voulais que les gens appellent et nous disent qui était cette voix ici de Radio Arc-en-Ciel. É uma das vozes da rádio. É uma das vozes da rádio. Exatamente. Ah, et acho que até passa bem. C'est pas pour passer de la pommade, mais sa voix passe très bien. Obrigada. On a des bons retours. C'est quel jour ton émission? Desculpa, não ouvi. C'est quel jour ton émission? Olha, então vamos continuar a falar em português. Estamos numa rádio portuguesa. Je suis désolé, c'est pas bien ce que tu viens de dire, c'est pas vrai. La radio, elle est pas que portugaise, ça, faut pas oublier. Sim, mas a minha émission est en português. Oui. Pronto, a minha émission est às quintas-feiras, de 18 às 20 horas. Il y a des auditeurs qui comprennent pas le portugais, qui nous écoutent donc. Pronto, mas olha, eu falo em português e tu falas em francês. C'est ce que je suis, mais c'est toi qui fais la petite réflexion, là. Ça y est, le petit débat est démarré. Non, é simplesmente para as pessoas verem o bom ambiente que há nesta rádio. E as quintas-feiras de que horas a que horas? Das 18 às 20. Ok. ne vous affolez pas, vous n'êtes pas sur RMC des grandes gueules. Hein. C'est bien Radio Arc-en-Ciel, 96.2. Les grosses têtes de Radio Arc-en-Ciel. En tout cas, on est là, l'équipe au complet, avec Alberto, Christine, Jérôme, Manu, Sylvie, Lionel aussi. En tout cas, ça fait plaisir. Et puis on fait un coucou à Katia, qui certainement, je ne sais pas, nous écoute ou nous écoute pas, peut-être aussi. Ouais, t'en ainda está no meio das pulgas. Pulgas. Sous la couette. Je connais pas non plus. Estou-me-se a dizer que quando ainda se está na caminha, esta hora ainda se está nas pulgas. Não, ela acorda bem cedo. Ah, estás muito ao corrente. En tout cas, on lui passe un petit bonjour. Et on lui souhaite une bonne année, bien évidemment. Et aussi à nos autres collègues qui ne sont pas là aujourd'hui, parce que... Alors, à savoir que c'était c'était un moment d'amusement parce que dimanche dernier, nous avons appelé Lionel pour lui souhaiter un bon Noël et tout. Et puis, il nous a dit, venez. Puis, on lui dit, dimanche prochain, on sera tous là. Et c'est venu à l'antenne. Et effectivement, on n'a pas prévenu nos collègues, ne serait-ce que les collègues du conseil, parce qu'on s'est dit, bon, c'est une bêtise et on vient tout simplement vous tenir compagnie. Et comme on était dispo ce matin, on s'est dit pourquoi pas. Voilà, ils savent pas quoi faire, ils s'ennuient, ouais. Alors ils viennent nous voir. Ouais. C'est un plaisir de vous recevoir ici le dimanche matin. Par contre, ça manque un peu de... j'ai une idée parce que nous avons effectivement quand on sort le dimanche, en général on aime bien être accompagné de nos conjoints. Et notamment, il y a Olivia et Emmanuel qui se trouvent juste derrière la vitre là. Ils sont en train de mettre la table. Et qui papotent, ils vont nous préparer ça. Servez-nous. En tout cas, c'était quoi vos petites douceurs de premier de l'an, Noël à table, c'était quoi? Votre petit dessert, c'était quoi? Les desserts? Ouais. Arrabanadas. Roche douce. Et Manu, il a dit arrabanadas avec une telle conviction que je pense qu'elles étaient tellement délicieuses. J'adore. As rabanadas, j'adore ça. Ah, e eu fui as filhosas. Filhosas, je crois qu'il y en a eu aussi. Il y en a eu aussi. Si, si. Moi, je dis rabanadas, c'est pas parce que j'aime plus, c'est parce que j'arrive à dire plus facilement. Ah, de toute manière, il y a autre chose aussi. Il y a autre chose qui est bon aussi. Et j'avoue que j'en suis une petite spécialiste, c'est au soigne. Oui, voilà, les petits beignets faits avec du potiron. Et toi, ça c'est filhosas. Ça c'est filhosas. Filhosas, c'est avec le potiron. Et puis je t'ai au soigne. Oussonne, c'est comme une pâte à choux presque. Hein, voilà, c'est ça. Comme les pédenons en français. Voilà, en français, ça s'appelle comme c'est des pédenons, sans aucune arrière-pensée, bien évidemment. C'est pas avec la citrouille ou... La citrouille, c'est filhose, champignons, jesso, quelle cannelle. Olha, mas assim, eu acho que em certas regiões de Portugal, há certas regiões que fazem os sonhos com abóbora. E há outras regiões que fazem sim abóbora. Tal como as filhosas, há certos sítios em Portugal que metem pinhões. E há outros sítios que não metem pinhões. E os cascureiros, sabes o que é? Ah, diz lá. É uma especialidade do lado da Guarda, Beira e Alta ali. Ótimo, conta. E comi-os no Natal, no primeiro do ano, não tive direito, mas no Natal. E te puni? E o que é isso? Cascureiros, c'est une espèce de pâte qu'on fait frire dans l'huile, une espèce de brioche. D'accord. Il y a une spécialiste de l'autre côté qui serait vous donner la recette. Hein. Bon, Olivia. Pourquoi vous n'avez pas apporté tout ça ce matin? La spécialiste, maman n'a jamais fait. Bon, Olivia, tu sais ce qu'il te reste à faire pour le prochain coup? Là, tu vois, maman n'a jamais fait ça, en tout cas. Bon, Lionel, tu viens de poser un problème de couple, là. Et Jérôme, ce serait quoi ta spécialité comme ça? Ah, moi, j'ai mangé une tarte au citron cet été. Spécialité des fêtes de fin d'année à Jérôme. Moi, j'ai fait une tarte au citron. J'ai tout fait. La pâte, la crème, la meringue. Oui, j'ai fait de mes propres mains la meringue. Parce qu'en fait, je trouve que la tarte au citron, il n'y a jamais suffisamment de meringue. Donc moi, j'aime la tarte au citron avec beaucoup, beaucoup de meringue. Des fois, on peut même rajouter un peu de chantilly par-dessus. Ouais. Et voilà. Et bon, et moi, j'ai fait une tarte au citron qui convenait, c'est-à-dire avec trois étages de meringue. Alors, on n'est jamais s'est bien servi que par soi-même, alors. J'ai fait, voilà. Bon, bref. Alors, du coup, je crois qu'on est d'accord qu'on va se faire un truc, donc, entre Lionel qui va nous emmener au Couche-Courage, c'est ça? Couche-Courage. Moi, je vais emmener au Chouane. Lionel va nous emmener à Rabanade. Jérôme, il va nous emmener la tarte au citron. Christine, tu nous emmènes quoi? Une roche douce, la preuve que c'est vraiment moi qui l'ai fait. É verdade, estava uma delícia. Uma autoria também é muito bom. E o Sr. Alberto Coelho, o que é que tu nos vais trazer? Se não responderes o presunto, estás tramado, tens de trazer já. O presunto posso trazer, agora doces não sei fazer. E o presunto se desenfar? O presunto sem escolher. Sem escolher. É cortar fininho. Sem escolher. Um pata negra, não é? Ah, é um dos melhores. Muito bem, vamos a mais música e depois vimos então. Só que estão todos a falar de comida, mas eu não vejo aqui nada. O problema não está resolvido. O problema não está resolvido. C'était un machin surprise, ah, mas a surprise é um pouco ratinho, estou. Também podemos pedir a um ouvinte que estiver a passar perto da rádio e que queira fazer uma visita. Passa em Alto, onde é preciso comprar e depois vem-nos ver. E depois tem surpresa como nós, é que nem a vida. Eu acho que agora já nunca é passado. Tout comme, c'est effectivement, Radio Arc-en-Ciel est toujours à la recherche de sponsors et on ne sait jamais, peut-être qu'il y a un de nos sponsors qui souhaite devenir sponsor, ce sera le moment de se faire connaître, n'est-ce pas? Boulangerie, pâtissier... On accepte tout le monde. Hein. Tout le monde a parlé des pâtisseries, tout ça, mais personne n'a parlé du boulangerie. C'est le gâteau. Et toi, gâteau... tu étais l'expert. Ouais, et aujourd'hui, tu as déposé les armes. Hein, ça, c'est pas bien parce que toi, tu le faisais super bien. Lionel, il a coupé tout. Hein. Dès qu'il arrive à la retraite, il a coupé. Et moi, il me dit, quand tu arriveras à la retraite, tu sais, il m'a donné des conseils. Hein. Attends, Manu, excuse-moi, j'ai perdu le fil. Si je suis les siens, excusez ma expression, je suis mal barré. Ah oui, parce que là, par contre, le jour où tu te mets à faire un boulangerie, Manu, moi, je veux bien être présente, je veux voir ça. Bah écoutez, vous serez étonnés quand même. Eh ben écoute, on te lance un défi pour 2022. Moi, je connais des boulangeries qui sont pas mauvais, je viens de les acheter là-bas. En tout cas, le boulangerie, c'est un des gâteaux qui est présent dans les tables portugaises, je crois. Et en France, c'est la fameuse bouche. La bûche de Noël. Ah, c'est ça. C'est ce qui remplace la bûche. La bûche. Vous savez que o bolo rei é mais uma tradição para os reis. Noite de reis, é isso como o bolo rei. Que é mais como a galeta aqui em França. Então, olha, manda aí a música que eu já estou aqui com uma fome. Vamos lá. E vamos ouvir Cássio. Deus deixou escrito. O que é que ele deixou escrito? Vamos ouvir. Deus fez este mundo em troca de nada. Ele fez o sol, a lua, a terra e este mar. Ele fez a chuva. Ele fez o sol. E à noite e as estrelas a brilhar. E deixou escrito o caminho do amor, para que o homem tenha um mundo bem melhor. Deus deixou escrito no papel, em poucas linhas, fez este mundo em troca de nada. Ele fez o sol, a lua, a terra e este mar. E deixou escrito o caminho do amor, para que o homem tenha um mundo bem melhor. Deus deixou escrito no papel, em em poucas linhas este amor. Très belle voix, Casio. On réécoutera. 11h29 sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. Nous avons quelqu'un au téléphone. Allô, allô. Oui. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Jeanne. Moi, je sais bonjour, qui c'est. Jérôme. Voilà. Comment ça va? Ça va très bien. C'est vrai? Non, aujourd'hui, il n'est pas de soleil. C'est dommage. Hier, il y en a eu un beau soleil. Mais pas aujourd'hui. L'année s'est bien passée. Très bien, très bien. Bon, c'est l'essentiel. J'ai commencé bien l'année avec plein de bougies. D'accord. Voilà. Et ben, joyeux anniversaire hier. Vous êtes du 1er janvier, c'est ça? Oui, oui. Non, c'est un peu triste parce que les cadeaux, c'est pas, on n'a pas les cadeaux. Hein. Un Capricorne, c'est ça? Ah. C'est les meilleurs. Ah. Je confirme. Oh, j'ai entendu Christine rire là. Tout à fait, je suis là. Bonjour Jeanne. Ça va bien? Oui, Christine. Bah, écoutez, je vous souhaite une bonne année à tout le monde. Hein? Merci pour ce que vous faites. C'est super bien. Et continuez comme ça, à nous faire rire, à nous raconter vos petites blagues. Et à vous chamailler gentiment, en vous taquinant gentiment entre vous. Il n'y a jamais de blessé chez nous. Et puis je voudrais donc faire une dédicace pour tout le monde, pour ceux qui me connaissent et ceux qui ne me connaissent pas. Capanègre, j'aime bien cette chanson. Ok. Il a l'air d'aimer aussi le chien derrière. Il commence déjà à avancer. Bonne année aussi. Merci à vous. Merci. Bonne année à tous et une bonne santé. C'est le principal. C'est là, quand on a la santé, on a la plus richesse du monde. C'est vrai. Eh bien, merci beaucoup. Bonne année. Une très belle année. Bonne année, à vous. Bonne continuation. Et restez à l'écoute de Radio Arc-en-Ciel. Merci. Merci à partager vos beaux moments. Merci à vous. Au revoir. Deus deixou escrito no papel, em poucas linhas este amor, e onde não quero entender, que vamos de mal a pior. Deus deixou escrito no papel, pois ele é nosso protetor, e tudo escrito para très belle chanson de Casio, Deus deixou escrito. Continuamos aqui com a boa disposição, como disse esta nossa ouvinte. É sempre bom estar aqui com os nossos colegas e com os nossos ouvintes do outro lado, não é isso? É, exatamente, claro que estamos aqui com muito prazer. D'hábito ali o nosso amigo é muito, fala muito mais, hoje está muito caladinho ali do lado, ele está ali meio escondido, o nosso amigo Alberto. Ele fala muito mais, eu não sei. As pessoas não estão habituadas a ouvir na antena, é por isso. Eu falo mais fora da antena. Vous pouvez toujours nous appeler au 02 38 43 48 00. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Savoir comment vous... Racontez-nous quelles ont été vos spécialités portugaises ou pas. Hein, pas forcément, parce que moi, les desserts portugais, c'est pas trop mon truc. Hein. Alors, à part la tarte au citron, c'est quoi ton dessert? J'aime beaucoup la tarte au citron, mais j'aime les trucs simples, finalement. J'aime quand il y a beaucoup de chantilly. Un flan. Le flan, j'aime le flan aussi. Avec de la chantilly. Il peut y avoir de la chantilly. Mais le flan, j'aime quand il y a de la pâte. Hein. Il faut qu'il y ait de la pâte. Ma mère, elle fait un flan sans pâte, j'aime pas. Pâte croustillante. Moi, j'aime bien quand la pâte, elle est bien croustillante. Voilà. Mais globalement, je suis assez bon client de la pâtisserie, des desserts, quoi. Voilà. On va continuer en musique. On va écouter Capa Negra, justement. Non, je suis en musique, ouais, c'est ça. Nunca mais voltarei a sofrer. Fiz de tudo para te ver feliz. Já não quero voltar a viver aquilo que por ti sofri. Não quero mais saber de ti. Quero encontrar uma nova paixão. Não quero mais, já desisti. O que vivemos foi uma ilusão. Não quero mais. On a quelqu'un au téléphone. Allô, allô, allô. Allô? Bonjour. Oui, bonjour. Avec qui avons-nous le plaisir d'échanger? Comment vous appelez? Avec Elisabeth. Bonjour Elisabeth, comment ça va? Bonjour. C'est pour souhaiter la bonne année à tout le monde, à mes enfants David, Jérôme, ma belle-fille Laura et surtout mon petit-fils Leandro, que j'adore. D'accord. Et pour vous également. Ben, merci, pour vous aussi. Merci. Et puis ben, la santé surtout. Et puis vous mettez une dédicace n'importe laquelle, hein, celle qui vous vient... Sous le coude. Voilà, c'est ça. Les fêtes se sont bien passées? Très bien passées, oui. Très bien passées en famille, avec des distances et restrictions qui sont demandées par... Et vous, votre péché mignon, c'est quoi en dessert? Qu'est-ce que vous appréciez? En dessert, la bûche, j'aime bien aussi les arvanades. Ah, voilà. Ça, je pense que c'est voilà. Le péché mignon. Là, Manu, il a le sourire rien que d'entendre le mot rabanade. Ah, oui. Rabanade, c'est facile à faire et c'est très bon. Alors, tout à fait, voilà. Et on fait ça, je crois, avec du pain perdu, je crois. Du pain... Exactement. Ouais, en France, c'est le pain perdu. C'est le pain perdu qu'on récupère et c'est délicieux. Qu'on récupère et qu'on fait de très bons desserts. Maintenant, c'est plus riche. On fait souvent ça avec du pain de mie, de la brioche. Non, j'ai toujours fait avec du pain. Sachant qu'il y a des régions, et là je vais parler de la région d'Amarante, parce que là-bas... Je suis pas loin d'Amarante, donc... Alors justement, dans la région d'Amarante, ils font arvanades, à la place de les frire dans l'huile, ils le font dans le miel. Ah, d'accord. Et ça, par contre, c'est une tuerie. Hein. J'ai jamais essayé, oui. Non. Il y a aussi arvanades de vigne, là, c'est... Oui, il y en a. Ah oui, mais là, alors, c'est mieux que ça. Alors là, justement, moi qui suis du côté de Sposien, à Sposien, on fait arvanades de vigne. Ah oui, ça se peut, oui. Ah, mais c'est peut-être bon, hein, c'est qu'il faut essayer, quoi. Il ne faut pas en manger trop aussi, alors, parce que... Oui, voilà. Oui, non. Mais l'alcool est brûlé. Bah oui, le vin, il est chauffé. Il s'est évaporé. Bah oui. Je ne savais pas. Bon, on va faire un cours de cuisine à Manu. Hein. En tout cas, on vous souhaite plein de bonnes choses à vous aussi. Merci d'avoir appelé. Un bon dimanche. De rien, merci à vous et bonne journée. Un bon dimanche. Et puis merci, vous de même. À très bientôt, merci. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Et faites comme l'auditrice, hein, appelez au 02 38 80... 43 48 00. Eh oui, c'est ça. Querias ter Queria meter os meus colegas todos aqui a cantar esta música. Hein? Vamos lá? Acho que não tem para onde. Mas não primeiro. Especialista seja um. Não, mon pari, il est pas réussi. Donc, non, on fera une autre chanson. Ils sont pas motivés. Là. Ouais. Ils sont la moitié endormis. Non? Ils ont trop fait la fête. Hein. Mais non, c'est pas ça. Tu leur as parlé à manger. Non, maintenant, c'est mort. Et puis, il y a la chef. Hein, on peut pas faire tout ça. Ouais, c'est ça. Dès qu'elle est rentrée, ça y est, hop. Les ça a été le silence. Silence complet. La chef est là. On est la chef des personnes, moi. Oh, on était en train de comploter. Je suis uniquement chef de moi-même. Il s'en dit. O bom ambiente então é na Rádio Arco-Íris no 96.2. Ou depois íamos a falar justamente do novo site que temos na rádio, não é? E que as empresas podem fazer, publicidade no nosso site, não é? Exatamente. E para isso é preciso fazer o quê exatamente? Dar um cheque. Cristina vai nos expliquer ça. Não, mas há modalidade, certamente. Effectivement, vous souhaitez être partenaire de Radio Arc-en-Ciel et figurer sur notre site internet. Il suffit tout simplement de remplir un formulaire qui est sur le site, justement, et puis vous nous adressez un mail, tout simplement. On vous explique les modalités, les tarifs et tout ça. Et ce qui peut aussi, c'est ce qui nous aide à récolter des fonds pour ainsi continuer à faire vivre cette association. Mais c'est aussi un moyen pour vous de faire connaître votre entreprise. Voilà, tout à fait. Parce que effectivement, Radio Arc-en-Ciel, avec ce nouveau site, hein, va générer de plus en plus de flux. On va communiquer, les gens vont venir. Si vous êtes une jeune entreprise, c'est aussi une occasion pour pouvoir vous faire connaître plus facilement, parce que les gens, en venant écouter Radio Arc-en-Ciel, vont découvrir votre entreprise, vos services, etc. Il y aura un clic où on ira directement sur votre page ou sur un numéro de téléphone, sur une adresse mail. Il y a un lien qui, justement, sur votre le logo qui sera, qui apparaîtra sur notre page du site internet. Lorsqu'on clique sur votre logo, il y a un lien qui vous emmène soit vers votre site si vous en avez un, soit sur une adresse mail, soit sur un numéro de téléphone. Et maintenant, les réseaux sociaux, c'est aussi un véhicule de... Ah bah de promouvoir son entreprise et de se faire connaître. C'est aujourd'hui le premier, c'est fini les flyers, c'est fini les cartes. Maintenant, même les cartes de visite, c'est en numérique, on flash, on scanne un flash code, un QR code et voilà. Donc c'est fini les papiers. Et d'ailleurs, on prend plus de papier avec le Covid. On se touche plus, on se fait plus rien. C'est par tout est fait par téléphone. Alors on se touche pas, mais par contre on se passe le téléphone les uns aux autres. Il y a un truc que j'ai du mal. Il y a certaines choses que je ne passe pas mon téléphone. Non, moi. Non, ce que je veux dire, c'est que vous pouvez le passer à Manu en tout cas. Il y en a des spécialistes de ça. En tout cas, voilà. Je ne dis rien. Vous pouvez faire la promotion. C'est un moyen de véhiculer votre entreprise, vos services, faire la promotion via le site de Radio Arc-en-Ciel. Sachez que ça touche pas forcément que la région centre. Ça touche aussi, le monde entier. Et puis, sur tout le territoire national français et puis aussi portugais. Mais voilà. Oui, donc, c'est. Notamment, justement, le Portugal, on en parlait. Et les entreprises portugaises qui veulent se faire connaître ici ou même le contraire, hein, d'ici en France pour se faire connaître au Portugal, étant donné que notre site atteint une population assez large, étant donné que notre communauté portugaise est assez présente, ainsi que les Français et les Portugais, tout le monde est assez accessible dans notre milieu de communauté et effectivement notre radio qui est intercommunautaire. Donc ça vous donne un large panel de personnes à atteindre. Voilà, la communication est passée. Hein. Et n'hésitez pas à passer ce matin, nous sommes là, pour recevoir votre cotisation et mettre votre cotisation à jour. Donc on peut vous recevoir. Ou des nouveaux adhérents. Ou des nouveaux adhérents. Et maintenant, on va écouter une chanson qui est numéro 1 au Portugal. Ah, j'adore cette chanson. Je l'ai découverte il n'y a pas très longtemps, peut-être un mois ou deux. C'est Bárbara Bandeira, la fille de Ruben Dale, qui chante avec Carminho. Et la chanson s'appelle Andweich. Bon, c'est pas forcément une musique très... très rythmé, mais cool, en tout cas, qui fait passer une émotion, voilà, une très belle chanson. Et la lettre et la musique, c'est Yves Lucas qui a écrit. On écoute. On devait que se eu fico daqui, tu não sais, vai acabar sempre por doer mais, e já nem isso eu posso mudar. Não sei quanto tempo demora a esquecer a solidão que tu deixaste à minha porta ao levares o meu coração. Escondes o que queres dizer pelo medo de me ver sofrer, mas não dá. Ai, nada nos une, só nos mantém, e tudo muda, nós mudamos também. O amor seja assim, mas tudo o que eu quis para mim já não há. Onde vais? Que se eu fico daqui, tu não sais. Vai acabar sempre por doer mais, e já nem isso eu posso mudar. Diz-me se vais ou o tempo a curar, que já nem isso eu posso mudar. Acorda-me quando acabar. O tempo que passou por mim fez calar a minha voz. Foi contigo que aprendi o que é amar alguém a sós. Sonhos que desperdicei, as canções que eu não cantei por ficar. Mudamos também. Eh oui, on a voyagé avec ces deux petites voix, des grandes voix plutôt, du Portugal. Et j'en profite pour faire un coucou à Katia parce qu'elle vient de m'envoyer un message. Elle est un peu malade. Je pense qu'elle a dormi sans chaussettes, pour pas dire. Voilà. La troisième, voilà celle-là. En dessous, Lionel, voilà celle-là. Et on lui fait un coucou parce qu'elle aime la chanson Andvaj. Donc voilà, bah, écoute, c'était pour toi. Mal acostumada. Ah, eu continuo. Ela também está habituada mal, Kátia, certamente. Eu acho que é ela que está mal habituada. Allez, on envoie un grand, grand bonjour. Trio aqui, hein? Ivete Sangalo com Eduardo Costa e Leonardo, exatamente. Vamos continuar em música. E a próxima música vai ser para a Senhora Esperança, que nos liga todos os domingos. É uma fiel ouvinte, por isso vai ser por ela, que é O Ritmo do Amor, Emanuel. Mamãe, eu quero. Toca e dança, não é? Exatamente. Mamãe, eu quero. eu quero este velho sucesso aqui com uma nova roupagem do Toca e Dança, não é? Exatamente, claro, Toca e Dança. Continuamos aqui no bom ambiente, um bocadinho mais calmo, tudo porque houve uma parte da equipa que saiu, não é? É por isso que está mais calmo, não? Foram resolver problemas, acho eu. Não, eu acho que foram ver se alguém que trouxe assim qualquer coisinha. Assim, uma coisinha que o gato leva. Que o gato leva? Ai, ó, valha-me Deus. Ó, Jerome, eu vou ter que dar assim umas aulas de português. Vais ter que dar. Qual a coisinha que o gato leva, com a coisinha doce. Ou depois era as pulgas, agora é. Diz a verdade, o que é passar tempo comigo, não é? Ai, está calado, eu não digas isso assim em público. Poças. Estamos em público, só somos os três, olha. Quatro. Mas estávamos lá atrás, olha para trás. Olha para trás. Ah, para trás. Mas cuidado, o olho está a olhar para ti. Vê lá, não te estiques. O gato. É. O gato está atrás, não é? Ah, não. Portanto, agora continuamos com a música, não é? Continuamos, eu não sei. É esta aqui que vamos ouvir. Coração Cachorro. É uma. Olha, justamente. É uma música que está a fazer êxito no Brasil. Vamos lá ouvir. Logo hoje que eu tava bem, sem nenhuma saudade de você, aceitei aquele convite pra beber. Deu tudo errado, olhei pro lado. Era você noutra mesa, acompanhada. Esse coração cachorro apaixonado por você, quando ele te vê só daquele irmão. Lá de coração. Logo hoje que eu tava bem, sem nenhuma saudade de você, aceitei aquele convite pra viver. São Cachorro, aqui com Avelino e Mateus Fernandes. Estamos quase na reta final? Ainda falta meia hora. Eu acho que está tudo. Já está tudo dito. E já está tudo à mesa a comer mais uma vez. Mas... Já está tudo. Vocês ainda podem ligar aos erros. Basta pedir. Basta pedir que já está. Então vamos ficar em música. Thank you.

faz gostar que eu pego na tua mão. Bacá, bacá, bacá, não sejas marota, só quero dar um beijo no canto da tua boca. Bacá, bacá, bacá, e não digas que não, eu sei que vais gostar que eu pego na tua mão. Bacá, bacá, bacá, não sejas marota, só quero dar um beijo no canto. Diapasão, Dacá, Dacá. Nós também demos o máximo hoje de manhã aqui na antena da Rádio Arco-Íris, não é? O que é que se passou, Silvia? Está mal disposto. Não digas as neiras, Jerome. Eu não disse tu nada. Tu começas e eu continuo. Allez, on va recommencer. Et justement, on est là pour annoncer aussi à nos auditeurs que vous avez reçu un petit courrier de notre part. Dans votre boîte aux lettres, on vous convie à l'AG, à l'Assemblée Générale, qui se tiendra donc le 16 janvier. Et c'est maintenu, car aujourd'hui, rien nous interdit d'effectuer cette Assemblée Générale, puisqu'effectivement, nous tiendrons assis, chacun à sa place, avec attaché. Le pass sanitaire. Ce rien ne change. Attaché sur vos chaises. Du tout. Donc, avec le pass sanitaire à jour, bien sûr, et le masque et tout ce qui va avec. Mais pour cela, donc, on tiendra quand même notre Assemblée Générale le 16 janvier. Et donc, tu as dit pour nos éditeurs, c'est pour nos adhérents qui sont à jour dans leur cotisation. Tout à fait. Il ne faut pas oublier de bien préciser. Ou à jour au moment de... Ouais, vous pouvez venir le matin et vous mettre à jour, voilà. Voilà, c'est ça. Donc, il faut déjà être à jour de 2022 pour ou pas. Non, tu te mets à jour ce jour-là, tu te mettras à jour pour 2022, voilà. Mais il faut être à jour pour 2021, l'année en cours. Voilà, c'est ça. Voilà. Très bien. Après toutes ces explications. N'oubliez pas votre passe sanitaire, vous serez assis, attaché, et celui qui se lève, on le fouette. Jérôme sera là pour vous donner ce petit coup de avec fouet. Avec le fouet. Avec le fouet, voilà. Ce sera dans la bonne humeur, malgré tout, même si ce sont des choses sérieuses, elles doivent se faire. Mais, venez nombreux. À cette assemblée, c'est aussi une façon de voir, découvrir les coulisses un peu de ce que vous voyez vous dans à travers les ondes, hein, mais les coulisses sont importantes aussi parce que savoir aussi parce que ce jour-là on détaille tout, hein, les comptes, tout ça, savoir justement où est-ce que l'argent va, qu'est-ce qu'on fait avec. Surtout la santé de notre radio. Donc voilà. Il faut bien être adhérent pour exister à cette radio. Être à jour dans les cotisations. j'allais pour donner un peu de piment à cette assemblée. On se lance un défi, on fait un thème. Vas-y. Bon, alors déjà, le tien, je peux le donner parce que tu auras déjà le fouet. Tous habillés, je ne sais pas comment. Un code couleur. Enfermière, allez. Dis donc, Lionel. Alors, entre le coup de fouet et l'infirmière, vous êtes sûr que c'est une assemblée de radio, là parce que... En cravate. Eh oui, il faut commencer l'année 2022 avec la bonne humeur. La bonne humeur. Alors, tu dis ça, mais je pense que dans le temps, les membres du conseil de la radio, je pense que les hommes devaient venir en cravate ou assez bien habillés tout de même. Ouais. Bah parce que je pense venez comme vous êtes, on va dire. Je pense. Parce que vu l'heure qu'il est. jogging. On parle du conseil d'administration. Oui. Pour donner une bonne image de la radio. Maintenant tu vas avoir du temps. Tu vas pouvoir faire ton nœud de cravate le matin et tout, venir avec ta petite sacoche. Pas de cravate, vous rentrez pas. C'est dans la discothèque, c'est ça? En tout cas, c'est un moment très important pour notre radio. Et c'est à ce moment-là, effectivement, qu'on peut savoir comment va notre radio et qu'on puisse s'exprimer et vous raconter l'année passée et nos objectifs pour l'année qui suit. Et pourquoi pas avoir des nouvelles idées de nous? Tout à fait, nos entrepreneurs. Voilà. Vacé não vale nada, mas eu gosto de você. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Tudo que eu queria era saber por quê. Tudo que eu queria era saber por quê. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Tudo que eu queria era saber. Un cabo. En fait. Il y a quoi ce qui est cabo pour la voix? Quoi? Je ne sais pas de quoi tu parles. Tens por uma música, é da Margarida Valente para seu marido, seus filhos. Um feliz ano novo a toda a gente, não esquecendo toda a equipa da rádio. Muito obrigado. Obrigado. O pessoal que está aqui. Obrigado. Voilà, il est midi 27. Le dernier mot, alors qu'est-ce que vous allez nous dire aujourd'hui? Qu'est-ce que, voilà, le mot de la fin. Qu'est-ce que vous avez le pas tour encore de, dit le tour que vous de voulez table. Dire, plutôt. Voilà. Bon, on va commencer par Jérôme. Moi? Il a tout dit. Moi, j'ai tout dit. Moi aussi, j'ai tout dit. C'est vrai? Ouais. Non, je pourrais dire qu'il faut continuer à écouter Radio Arc-en-Ciel du lundi au dimanche. Continuer à participer à tous nos événements, c'est un moyen de soutenir Radio Arc-en-Ciel. Alors, bien sûr, je parlais par rapport aux activités de Radio Arc-en-Ciel. Hein. Je pourrais dire plein de choses, mais on est là pour parler de Radio Arc-en-Ciel. Mais en tout cas, de continuer à soutenir parce que quand on fait des actions et que des fois les personnes sont pas au rendez-vous, bah c'est un peu démotivant et puis mais voilà, mais on continue et on maintient. En tout cas, soyez présents au rendez-vous de Radio Arc-en-Ciel quel qu'il soit, hein, que ce soit festif ou pas, ou tout type de rendez-vous de Radio Arc-en-Ciel, c'est une façon de soutenir la radio et toutes ses activités et voilà, on est content. Et puis notre grille de programme est riche, hein, parce que tous les matins on a Francky de 7h à 9h, 8h, 9h, c'est ça. Après il y a quoi? Il y a plusieurs émissions. Il y a plein de gens, mais le lundi par exemple. Le lundi nous avons Jean-Pierre. Le mardi. Non, attendez. Nous avons Jean-Pierre 9h à midi, mais l'après-midi, nous avons Emmanuel et par la suite Rémi. Mais nous avons aussi. Non, pas le lundi. Ah non, il n'y a personne. Non, justement, une grille. Justement, nous avons la grille, elle est riche, mais suite au Covid. Et c'est un constat, mais qui est réel. Et suite au Covid, nous avons perdu quelques animateurs et qu'aujourd'hui, la grille des programmes n'est pas encore remplie. Donc, vous pouvez vous candidater. Il y a de l'espace entre lundi de 14h à 19h. Hein, il y a de la place. Tout à fait. Et que ce soit en français, en portugais, en brésilien, une petite voix brésilienne qu'on n'a pas aujourd'hui. Et je voudrais tirer mon chapeau aussi, un petit coucou à Christina, qui est une très, très belle, qui a une très belle émission en espagnol. Je néglige pas non plus nos amis espagnols qui sont là, Juliane et puis Luis, mais cette voix féminine en espagnol, qui est une très, très belle émission, c'est à Flor de Piel, qui est le mercredi soir, et c'est une très belle émission que je vous invite à découvrir. Ouais. Elle est très belle, oui. Donc le mercredi soir, je crois, c'est de 19h30 à 21h30. Exactement. Après, nous avons donc le mardi, donc, tout à fait Francky. Le matin, donc. Actuellement, là. De temps en temps, Lionel, lorsqu'il n'est pas en vadrouille, il est là. Et puis, en remplaçant, nous avons Lorenz, son grand merci. Je remercie. Hein, voilà, grand merci à Lorenz d'être là. Le mardi après-midi, donc, il y a Nicolas. Suivi de Électrique de Christophe, Électrique Choc. Après, nous avons le mercredi matin, Francky, suivi de Victor. Par la suite, l'après-midi, il y a Musica de Gloria. Gloria, suivi de, je les ai en tête, traditionnelle, Violetta. Voilà, Violette et Christina, bien sûr. Flor del Pel. La Flor del Pel. Le jeudi matin, Francky. Après, nous avons Wojmir avec Voices de Portugal. Nous avons Chantal avec son groove tropical. Et puis Sylvia qui finit la soirée de 18h à 20h avec pause musicale. Le vendredi, à nouveau Francky. Après, suivi de Lorenz, fin de semaine à Porta. En début d'après-midi, Nicolas avec son S comme souvenir. En fin de soirée, de 17h à 19h, Manu. Suivi de Albino Mavrika de 19h à 22h. Le samedi matin, Christine Portugal de Curaçao. Par la suite, Carla avec Genera Verde. Suivi de nos Espagnols à nouveau, Juliane et Luis. Le dimanche matin, Antonio Forch ou Mathieu avec au Cantar do Galo. Le dimanche matin, Téléphone Sun avec Lionel, Katia et Jérôme. Et le dimanche après-midi, pareil, un grand merci aussi à Nicolas qui a repris l'accordéon musette en remplacement de Michel. Et que c'est une très belle émission aussi consacrée uniquement à l'accordéon française. Voilà un peu la grille des programmes de 2022. Elle va s'améliorer encore, hein. On est là pour ça. Tout à fait, car nous avons une nouvelle émission qui va tomber bientôt, qui est l'émission du foot, mais qui est dédiée à l'association... Avec l'Union Portugaise, c'est ça ? L'Union Portugaise, voilà, c'est ça. Ils sont tout prêts, il manque encore quelques formations. Deux jours de formation, et ils sont prêts à intégrer ce nouveau créneau. Ils seront les bienvenus, certainement. Et donc, il reste encore des places libres. Donc, vous avez le lundi après-midi, le mardi après-midi, le mercredi après-midi et le samedi. Moi, j'ai une suggestion. Hein. Manu, maintenant, un futur... Manu, il va tout faire. Il va travailler encore plus que quand il était actif. Mais t'as raison, Lionel. Manu, c'est notre couteau suisse. Ça veut dire quoi, ça ? On va faire une émission brasileira. Je fais tout. Et tu fais même... Voilà, avec le tutu et tout. Hein. Je fais tout ce que vous voulez. Mais les petites plumes et tout. Ah, on va pas demander où elles vont les plumes. Hein. On va saluer aussi quelqu'un qui est toujours dans les coulisses et qui Florent Amigo, qui enregistre toutes les émissions. On lui souhaite une très belle année. Je sais qu'il doit être certainement en train d'écouter. Donc un coucou, une belle année à Florent parce que il contribue aussi à véhiculer les émissions de Radio Arc-en-Ciel en enregistrant toutes les émissions. Et donc du coup, vous pouvez retrouver ces émissions en podcast à travers le net et pouvoir écouter à un autre moment si toutefois vous voulez réécouter la voix sensuelle de Sylvie ou de Christine ou celle de Manu. Bon, il parle pas beaucoup, mais elle est sensuelle quand il veut, hein. Avec le brésilien, ce serait peut-être plus sensuel. Après, il y a aussi Alberto, hein, qui aurait pu nous faire, parce qu'il faut savoir qu'Alberto, dans le temps, il faisait partie d'une émission de radio au Portugal, à Amarante, et il était connu pour avoir une belle voix qui passait très bien, d'ailleurs. Donc, ce serait bien, monsieur Coelho, que vous fassiez une émission. Je suis en train de réfléchir. Il est encore à la retraite. En plus, tu peux le coacher. Dans tous les sens du terme. Faut pas trop réfléchir quand même, hein, parce que quand on réfléchit trop, on hésite, et quand on hésite, on fait pas. Donc, ouais, il faut être spontané des fois. Faut y aller, voilà. Ouais. Mais voilà, vous avez, il y a des créneaux, donc une émission brésilienne qui va être animée par. Il lui manque juste son. Je pense que les gens ils vont prendre ça au sérieux. Je pense que mes collègues sont en train de. Il lui manque juste une assistante. Moi, j'aimerais bien écouter sur nos ondes une émission italienne. Italienne, ça serait bien. Ouais. On pourrait avoir des Italiens. C'est une belle langue, ça. C'est de la belle musique. Donc, on envoie aussi, ce message à nos amis italiens. Italiens, il y a peut-être des Italiens qui nous écoutent et qui, pourquoi pas, avoir une émission surtout italienne. Il y a des belles musiques italiennes. Ah oui, c'est romantique. La voix, elle est chaleureuse. Elle est chaleureuse chez les Italiens. Donc, c'est une invitation qu'on leur fait. S'il y a quelqu'un. C'est des Italiens qui nous écoutent et qui aimeraient faire une émission, pourquoi pas. Une émission italienne et une brésilienne. Ce serait pas mal. Brésilienne aussi. Objectif de 2022, retrouver autant de voix pour notre radio. Donc, donner un numéro pour qu'ils appellent si justement ils sont intéressés. Il faudrait qu'ils appellent. Un numéro, mais aussi un mail, parce que souvent. Sur le site, hein, ils peuvent retrouver tous les coordonnées. Sur le site à la radio, effectivement. Sur Facebook aussi, vous envoyez un message privé, et puis voilà, c'est plus simple. Mais donne notre mail de la radio, on peut donner le mail. Tout à fait. Arc-en-ciel. J'attendais qu'elle le donne. Mais j'aime bien parce qu'ils se regardent tous dans le blanc des yeux. Vas-y, toi, vas-y. Je regarde là-haut, mais. Voilà, arc-en-ciel.iota@gmail.com. Tout ça pour dire qu'il y a plein de moyens pour entrer en contact avec la radio. Exactement. Sinon, je vous donne le numéro privé de. Le mien, il est déjà partout, donc il n'y a pas de souci. Par contre, effectivement, lorsque vous appelez le 0238 43 50 09, effectivement, souvent, ça sonne aux absences, on va dire. Mais il y a une nouvelle fonctionnalité qui va être mise en place. Je vous laisse écouter donc ce que notre technicien a à vous dire. Technicien, oui, c'est un grand mot. Ah oui, c'est un technicien. Mais, donc on a fait la demande, en fin de compte, comme actuellement, vous avez dû vous en rendre compte par vous-même, quand vous appelez le bureau de la radio, il n'y a personne. Il n'y a même pas de transfert d'appel. Donc j'ai demandé actuellement, là on est dessus, là, que quand vous appelez la radio, vous aurez quelqu'un au bout de la ligne. Le numéro sera transformé. Et la voix sensuelle qui aura répondre, ce sera. Donc c'est comme si il y aurait quelqu'un à la radio pour vous répondre. Donc c'est en cours. Soyez patients. Ça va venir. Vous voulez appeler Manu, faites le 1. Vous voulez appeler Christine, faites le 2. Si vous voulez appeler Jérôme, faites étoile. Étoile. En tout cas, ça a été un moment bien agréable merci d'être en votre compagnie. Hein, c'est toujours agréable de venir ici. C'est ça qu'on aimerait tellement transmettre aux gens, c'est cette convivialité qu'on a. Surtout avec Lionel de l'autre côté, c'est vrai. Et il fallait, je crois qu'il faut renouveler ça une fois par mois ou tous les deux mois. Ça bah, nous attendons que tu nous invites. Bah, vous êtes, l'appel est lancé. Bon, bah, c'est fait. En tout cas, on tient à vous remercier. C'était un moment très agréable et ça fait du bien de vous retrouver. Et moi, par contre, je voudrais un petit merci aussi, parce que il y a des gens qui restent dans l'ombre, ce sont nos conjoints. Nos conjoints sont souvent mis dans l'ombre et c'est un petit peu grâce à eux. C'est grâce à eux que nous sommes là, parce que souvent, ils contribuent à leur façon. Parce que lorsque nous, on est là, ils nous préparent le repas. Lorsqu'on rentre, ils font nos tâches que nous, on ne fait pas. Et c'est très important que nos conjoints soient aussi mis à l'honneur, parce qu'ils nous aident dans l'ombre, derrière nous. Mais je voudrais qu'on les mette aussi à l'honneur, et c'est très important. Elle demande déjà pardon, là. J'espère quand je vais rentrer, l'assiette est mise, et pas le balai derrière la porte. Voilà, dans ce sens-là, tout à fait. C'est vrai, le conjoint, voilà, ils ont de la patience. Mais il ne faut pas aussi oublier, c'est tous les bénévoles qui nous aident. Bon, comme on disait tout à l'heure, actuellement, à cause de ce Covid, on n'a pas fait beaucoup de balles, mais ils sont toujours présents quand on a besoin d'eux. Donc il ne faut pas les oublier, tous les bénévoles pour la radio. Donc voilà. D'ailleurs, on leur souhaite une très très bonne année. Exactement. Bon, le défi est lancé pour une prochaine émission, hein, n'est-ce pas, monsieur Alberto? Quand tu veux, Lionel. Attention! Là, il a pris son premier engagement, Lionel. Voilà. Quand tu veux, Lionel. Devant les auditeurs, en plus. Non, et puis pourquoi pas, comme j'ai dit, se retrouver une fois ou tous les deux mois, tous ensemble, le dimanche matin. Faire une émission, ça peut être. Faut demander à nos auditeurs qu'est-ce qu'ils en pensent aussi. Bah oui. Mais avec plaisir, mais très bien. D'ailleurs, il me semble que sur Facebook, Lionel, Jérôme, toi qui es un petit peu plus dans ça, et là il me regarde avec un air, je crois que je vais me faire fusiller. Non. Il me semble que sur Facebook, on peut lancer un petit sondage, justement. Ah oui, on peut, bien sûr. Oui. Bah, je vais te l'aviser. Non, mais c'est ça. Non, mais le prochain, moi, vous savez ce qu'on fait? Le prochain, c'est non seulement on fait une émission, alors on prend date, on fait une émission en direct et on la diffuse en direct en live. Comme ça, les gens, ils voient. Ah, ça serait le top. Ils voient. Alors, il faudrait que Katia soit là pour qu'ils voient comment elle me tape. Ah oui, filmer, c'est ça. Filme comment elle nous pince et tout. Venez avec. Venez, il faudrait des trucs là, comme ça. On peut la filmer l'émission. Mais il y en avait des animateurs pendant un temps qui le faisaient en direct. Après, on respecte aussi le choix des animateurs, car il y en a qui ne le souhaitent pas. Voilà. Très bien. Oui, je sais. Je crois que le message est passé. qui ne souhaite pas? C'est toi? Non, c'est Manu. Ah, c'est Manu? Non, du tout. Mais... Je ne sais pas si vous avez remarqué, pendant toute l'émission, mon nom est revenu souvent. Mais parce que tu es notre star. Star de quoi? Bah, de tes... Voilà. Donc, je le couteau suisse. En tout cas, je vais me répéter, ça a été un moment bien agréable en votre compagnie. On tient un peu sec quand même, hein. je sais pas, mais là. Ah ouais, moi j'abouche pas tous, mais c'est un truc de fou. J'ai le vent qui gargouille et tout. Je sais pas, moi je vais faire une réclamation à la direction de cette association là, mais il y a un problème déjà, ça commence mal. Hein, 2022. Les associations sont pas top, c'est vrai. Donc on est d'accord pour dire qu'à la prochaine fois qu'on vient tous ensemble comme ça, chacun se débrouille pour emmener quelque chose. Ouais. Ah, peut-être pas chacun, mais un au moins. Déjà Lionel, il nous emmène. C'est comment déjà ton truc couche-que Voilà, en fin de compte, c'est les personnes qui reçoivent qui voient. Donc c'est Lionel. Non, c'est normalement. Non, mais ne mal barrer parce que vous allez venir tous les dimanches. On n'a pas dit que vous allez tous les dimanches. Mal barré. Non, faut pas exagérer. C'est ceux qui squattent qui apportent. Ah bon? Ouais. C'est vrai qu'avant, en suivant, on avait nos petits chocolats, nos petits croissants. Mais depuis deux ans, avec le Covid, c'est beaucoup plus. C'est plus compliqué. C'est moins convivial. Il y a des moments. Il y a du gel, regarde. Le gel dans le croissant, il ne sera pas terrible. Bon, en tout cas, on tient bon dimanche à nos auditeurs, un bon dimanche, bon appétit, tout ça. Une bonne reprise de travail aussi. Jérôme, il pense déjà demain, lui. Voilà, bonne reprise de boulot à tous, une bonne année. Restez à l'écoute de Radio Arc-en-Ciel et on vous donne rendez-vous, nous, en tout cas, dimanche prochain. Et restons solidaires. Voilà.